Bien, alors poursuivons. Vous connaissez déjà bad, qui signifie mauvais, et les nouvelles, qui se traduit par news en anglais. Alors comment direz-vous, j'ai une mauvaise nouvelle? Et là, watch out, parce que news est l'un de ces mots qui n'existe qu'au pluriel. Donc, vous pouvez employer some pour parler d'une nouvelle. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle. I have some bad news. I have some bad news. Ou vous pouvez employer l'expression avec peace, ce qui donnera. I have a bad piece of news. I have a bad piece of news. Ou encore, I have a piece of bad news. Les deux traductions sont valables. Eh bien, la mauvaise nouvelle, the bad piece of news, c'est que pour dire pire, on ne peut pas dire badder. Il faut employer worse, Worse, qui, comme best, est donc un comparatif un peu particulier. Alors, si le dessin se dit drawing, Drawing, comment direz-vous, je suis mauvais en dessin, mais tu es pire que moi? Alors attention, pour traduire mauvais en anglais, il faut dire bad at, littéralement mauvais à. Alors, je suis mauvais en dessin, mais tu es pire que moi. I'm bad at drawing, but you're worse than me. I'm bad at drawing, but you're worse than me. Et pour dire s'améliorer, on emploie souvent la construction to get better. Donc, avec notre verbe caméléon, to get, dans son sens de devenir. Alors, de la même manière, comment dira-t-on empirer? Là encore, avec to get. To get worse. To get worse, oui, littéralement, devenir pire, donc empirer. Et comment direz-vous, mon anglais s'améliore? My English is getting better. My English is getting better. Of course it is. Alors, est-ce que vous avez pensé à employer la forme en ing? Car vous parlez en effet de quelque chose qui est en cours. Il s'agit bien des progrès que vous avez faits et que vous continuez de faire en anglais. Et ce n'est pas fini. Alors, comment direz-vous, la situation politique empire? The political situation is getting worse. The political situation is getting worse. Alors, encore une particularité à connaître. On a vu que bad donne worse au comparatif. Et il donne aussi the worst, Worst, au superlatif. Donc, dans le sens de le ou la pire. Alors, si le mot pour carrière est career, ça s'écrit Car2er. Comment direz-vous en parlant d'un cinéaste homme? C'est le plus mauvais film de sa carrière. It's the worst film of his career. It's the worst film of his career. The worst, le pire, c'est ça. Et comment traduirez-vous la phrase suivante? C'est le plus mauvais film, le pire film que j'ai jamais vu. Alors ici, watch out, parce que vous ne pouvez pas traduire jamais par never. Pourquoi ça? Tout simplement parce que cette phrase signifie en fait, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, que j'ai vu jusqu'ici. Donc le jamais n'a pas véritablement un sens négatif ici. Il signifie plutôt à quelque moment que ce soit. Alors au lieu de never, il vous faudra employer ever. Ever. Bien, alors je reprends la phrase de départ. C'est le plus mauvais film, le pire film que j'ai jamais vu. Alors, utilisez la forme du passé avec to have, puisqu'on fait ici référence à un passé qui se prolonge dans le présent. It's the worst film I have ever seen. It's the worst film I have ever seen. Ou bien, I've ever seen. Et c'est le pire roman que j'ai jamais lu? It's the worst novel I have ever read. It's the worst novel I have ever read. Ou bien, I've ever read. Bien, alors maintenant que nous avons vu never et ever, c'est peut-être le moment de nous entraîner à les employer et de voir quelques autres mots qui permettent de situer dans le temps.